Onzièmement, l'instruction intégrale. La bourgeoisie, avec la mauvaise éducation qu'elle nous donne, a tellement embrouillé nos esprits, faussé nos conceptions, que les idées les plus claires et les plus simples nous apparaissent les plus obscures et les plus compliquées. Nous accaparons volontiers toutes les richesses de la terre, c'est-à-dire notre part et celle des autres, et nous nous estimons de parfaits honnêtes gens. Mais qu'un des malheureux que nous avons frustrés s'avise de nous reprendre, seulement de quoi ne pas mourir de faim, nous le traitons de canaille, de malfaiteur, et ne trouvons rien de plus naturel que de l'envoyer au bagne pour avoir violé notre propriété. Ce sont des milliers de préjugés que cet ordre qui constitue le fond de la morale classique et forme le principal obstacle à l'avènement du socialisme. Car notre plus redoutable ennemi n'est pas la bourgeoisie, c'est nous, c'est notre ignorance. Les bourgeois le savent bien. Aussi entretiennent-ils le peuple dans un état d'infériorité intellectuelle qu'il l'empêche de revendiquer ses droits. Quand des milliers d'agitateurs socialistes parcourraient la province et préconiseraient la socialisation de la propriété, les paysans et les ouvriers n'agiront point, parce qu'ils ne voient pas clair et qu'on ne marche pas dans la nuit. Hélas, ceux qui meurent de faim ne souffrent même pas de l'état social actuel. Ils ne souffrent pas, parce que pour souffrir il faut sentir, il faut avoir conscience de son mal. Semblables à des membres paralysés, ces malheureux subissent leur sort avec la passivité des choses. Et comment veut-on qu'ils aspirent à un état meilleur, eux qui n'ont jamais eu que cette conception de la justice sociale? Il est nécessaire qu'il y ait des pauvres, afin qu'il y ait des riches. Que les socialistes se le persuadent bien, on ne peut arriver à l'établissement d'un régime égalitaire qu'avec l'égalité de l'instruction. Tant qu'existera l'enseignement primaire pour les uns, l'enseignement secondaire et supérieur pour les autres, il y aura forcément deux catégories de citoyens. Les enfants du peuple qui restent à l'école, juste le temps d'apprendre à lire les journaux bourgeois, ne peuvent devenir que les clients d'une aristocratie de lettrés. Ceux qui acquièrent l'instruction intégrale formeront toujours les classes dirigeantes. Tous les autres, illettrés et ignorants, appartiennent aux classes dirigées. Ce sont les exploités. On gouverne par la supériorité intellectuelle. La force obéit à la pensée. D'ailleurs, l'histoire est là pour corroborer cette affirmation. Lorsqu'en 1789, la bourgeoisie s'est substituée à la noblesse, c'est qu'elle lui était réellement supérieure, en savoir et en intelligence. Et on voudrait aujourd'hui qu'un prolétariat ignare, aveugle, inconscient, pût remplacer une classe qui possède toutes les lumières et qui dispose de toutes les ressources? Mais c'est illogique, impossible. Certes, l'égalité sociale est inévitable et prochaine. Elle est le but du processus universel. Elle s'effectue même tous les jours sous l'action incessante des civilisations. Chaque fois qu'un progrès s'accomplit, c'est un privilège qui disparaît. Mais son résultat complet sera l'œuvre de l'égalité intellectuelle, et c'est celle-ci que nous devons réaliser la première, parce que, dans l'ordre invariable des faits, la cause précède toujours la conséquence. Les bourgeois prétendent que si tout le monde était instruit, personne ne voudrait travailler. Mais ils ne disent pas toutes leurs pensées. Il faut lire « personne ne voudrait travailler pour les autres », c'est-à-dire se laisser exploiter. En cela, ils ont raison. C'est précisément parce que nous sommes las de travailler pour eux que nous demandons l'égalité de l'instruction. Il faut donc que les socialistes essayent d'obtenir du gouvernement cette instruction intégrale, sans laquelle nous ne pouvons rien faire. L'enseignement primaire est un leurre. Il mûrit l'homme pour une exploitation avantageuse. L'école communale et le lycée perpétuent ces haines de classe que nous voulons détruire. Remplaçons-les par l'école sociale, où tous les enfants sans distinction seront élevés selon les principes de l'égalité et de la fraternité. Qu'on ne dise point que l'argent manque pour exécuter cette œuvre grandiose, déjà rêvée par les hommes de la Convention. On trouve des milliards pour apprendre aux jeunes gens à se battre et à se tuer. On trouvera bien quelques centaines de millions pour les instruire, pour les élever à la dignité d'homme. C'est aux conseils municipaux socialistes de commencer à compléter l'œuvre de l'enseignement primaire. Ils peuvent, par la création de cours complémentaires et d'écoles primaires supérieures, réaliser presque l'idéal pour un certain nombre d'enfants. Malheureusement, les expériences de ce genre, faites jusqu'à ce jour, n'ont pas produit les résultats qu'on pouvait en espérer. Les écoles primaires supérieures fournissent en grande partie à la société de futurs exploiteurs, bien pires que les bourgeois eux-mêmes. Il y a cependant des remèdes à cet état de choses. Nous ne pouvons les indiquer ici mais nous les étudierons dans un prochain livre intitulé « L'instruction intégrale ». Que tous les socialistes tournent donc provisoirement leur effort de côté de l'instruction. C'est là l'idée révolutionnaire par excellence, l'idée grande, juste, inattaquable, légale même. Le levier qui servira à renverser le vieux monde.